Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les épopées homériques, cheval de Troie historique. En 1924 paraît La Dactylo qui purge Homère. C'est un roman humoristique signé Marc Daubrive. Oh, l'histoire est incroyable, c'est un membre de l'Institut qui confie à sa secrétaire son dernier manuscrit pour qu'elle le tape. Drame. Elle le perd. Alors, elle le recompose à partir de ses souvenirs d'école et surtout de son vécu. Ça donne quelque chose comme ça. Si j'ai entrepris de raconter les amours de Calypso, c'est pour le faire avec conscience, en historien qui s'attache à la réalité des faits, non pas en poète ou en pédagogue. Et ce sont malheureusement les seuls jusqu'à ce jour qui se sont préoccupés de publier les aventures de la déesse et de ses gigolos. Alors, quelle dose de véracité voulez-vous attribuer à de pareils travaux ? Écrit La Dactylo. Oui, une remarque qui se rapproche souvent de celle d'un philologue. Pierre Judet de Lacombe, bonjour. Bonjour. Nous réfléchissons aujourd'hui à ces grandes sagas historiques. De quelle histoires sont-elles porteuses ? L'Iliade, l'Odyssée. À quel moment le texte est-il composé ? En tout cas, aujourd'hui, selon l'état de la recherche, à quel moment considérons-nous qu'il est composé ? Comme vous savez, les philologues ne sont jamais d'accord entre eux, sinon ils n'auraient pas de profession. Non, on peut dire qu'il y a une espèce de tendance à penser, moi je serais de cet avis, que c'est au 8e siècle, peut-être plutôt dans la deuxième moitié du 8e siècle. Et là, il faut distinguer entre les aèdes, donc les chanteurs, le groupe qui s'appelait Homère, qui ont composé quelque chose comme une Iliade, un poème monumental, et ensuite la rédaction ou la fixation du texte qui intervient tard là, c'est la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ à Athènes notamment. Enfin, il y avait eu plusieurs fixations, mais on peut dire que c'est au moment, donc au 8e siècle, faut s'imaginer qu'est une période d'immenses révolutions dans la Grèce archaïque, c'est-à-dire il y a un boom de la population, on commence à créer les cités, les cités-états, il y a des cultes qui se développent. Il y a eu les Jeux Olympiques juste avant au début du 8e siècle qui ont été créés, qui deviennent vraiment communs à toute la Grèce à ce moment-là. Et il y a la poésie épique qui était très très répandue, donc dans des immenses festivals à Délos, ensuite aussi au Cap Mical, ça c'est en Turquie, en Asie Mineure. Après, ça a été Athènes. Donc c'est une immense renaissance. Au 8e siècle, avant Jésus-Christ, dites-vous, et vous avez évoqué ce groupe qui se fait appeler Homère. J'aime beaucoup parce que cette notion de groupe qui se fait appeler Homère donne un petit côté rock'n'roll à cette histoire-là. C'est pas un individu, hein, faut le rappeler. Non, alors ça, on saura jamais. Je veux dire que, alors c'est intéressant, il n'y a quasiment aucun philologue helléniste contemporain dira qu'Homère a existé, l'auteur des deux poèmes, ou même d'un des deux. Mais aucun ancien n'a douté de l'existence d'un individu Homère. Donc ça veut dire simplement, ce qu'on appelle un auteur, c'était complètement différent, quoi. Et on peut imaginer, moi j'imagine un groupe comme parler de mon temps, les Stones ou les Beatles ou les Doors, quoi, qui ont l'école, qui ont décidé de faire l'Iliade, c'est-à-dire qui ont, dans l'immense ressource d'épopées, de légendes sur la guerre de Troie, c'était immense, ont décidé de faire ce poème-là, qui centrait sur un seul fait, la colère d'Achille. C'était une décision. Pierre Judet de Lacombe, quelle histoire raconte l'Iliade, si nous en restons à l'Iliade ? C'est-à-dire, dans l'historicité, à quel moment se passent les événements qui sont racontés ? Alors, les anciens, donc là, Homère ne le dit pas, mais alors, faut quand même savoir que pour les gens qui, au 8e siècle, et puis après, ont chanté l'Iliade, ont continué, pour eux, l'Iliade, c'était il y a très longtemps, c'était un monde disparu. C'était une antiquité dont ils avaient des ruines, qu'ils voyaient en Grèce, ils avaient quelques objets, il y avait des traditions, il y avait des noms, etc. Mais c'est antique pour eux. Et ils se disaient, nous sommes coupés de ce monde-là, ce qu'ils appelaient l'âge des héros, des demi-dieux. Alors après, c'est intéressant, on a Hérodote, donc au 5e siècle, grand historien, qui date la guerre de Troie d'avant lui, en gros, à l'époque où maintenant on fouille à Troie et on se dit il y a peut-être une guerre vers 1200 avant Jésus-Christ. Donc on se rapporte à un monde ancien. Et tout le problème pour les historiens, là il y a eu des grandes querelles à nouveau, c'est de savoir, mais de quelle société s'agit-il? Est-ce que c'est la société mycénienne, donc comme on dit l'âge de bronze? Certainement pas, on voit pas pourquoi des gens seraient mis à faire les historiens, ce sont pas des Homère est pas un collègue quand même. D'autres ont dit oui, c'est comme Moses Finlay dit, c'est plutôt un siècle ou deux avant. Bon, et maintenant la tendance c'est de dire c'est une position qui est plus dialectique si on peut dire de dire c'est la période contemporaine d'Homère, dans le 8e siècle, mais transposée dans l'Antiquité. Donc avec une distance épique qui a une valeur qui sert à valoriser tout ça, il y a sans doute une prise de position parce qu'on était dans un moment où il y avait des troubles politiques gigantesques, donc les cités-états se mettent en place, les aristocraties, donc qui sont plus égalitaires entre elles, ont tendance à prendre le pouvoir par rapport aux monarchies. La Pierre Carlier, grand historien, a parlé de tout ça. Bon, et donc, or là, on voit bien, ce sont des querelles entre rois. Par rapport au roi qui est Agamemnon, donc qui est très très menacé, qui fait piètre figure d'ailleurs dans l'Iliade. Donc on a une effervescence historique, et on peut dire Homère, c'est intéressant en plusieurs sens, c'est-à-dire quelle société on peut reconstruire à travers ses poèmes. Et là, moi, je pense, alors là, tous les historiens ne sont pas d'accord, qu'il y a deux sociétés, la société grecque et la société troyenne, qui sont deux sociétés construites sur des bases très différentes. Donc ça, c'est un travail à faire, et là, ceux qui font de l'anthropologie, de l'antiquité, les archéologues découvrent beaucoup de choses. Et il y a aussi le regard qu'Homère a sur qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce qu'une société, avec cet événement inouï et scandaleux, qui est la colère d'Achille, puisque Achille, donc, qui est censé massacrer les Troyens, quoi, pour avoir la gloire, il fait que ce sont les Grecs qui sont massacrés à cause de sa colère contre Agamemnon. Colère justifiée, par ailleurs. Et Zeus est d'accord avec ce déchaînement de violence inouïe. Et de manière scandaleuse, puisque tous les Grecs meurent, ne sont pas enterrés, etc. Il n'y a aucune cérémonie, dit le début de l'Iliade. Donc il s'agit de comprendre l'événement. Comment un dieu de l'ordre, comme Zeus, a-t-il pu vouloir ce désordre absolu? Et ça nous met au plein cœur de ce qu'est-ce que l'histoire. Qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce qu'une crise? Ça, c'est vraiment une réflexion sur ça. Une histoire de colère. Déesse, chante la colère d'Achille, colère funeste qui causa mille douleurs aux Achéens et fit de leur corps la proie des chiens et des oiseaux innombrables. La volonté de Zeus s'accomplissait. Ça y est, nous y sommes, l'Iliade est ouverte. Dites-nous, François Hartog, déjà merci d'être avec nous dans le cours de l'histoire. Avant de réfléchir si Homère peut raconter une histoire ou quelle histoire raconte Homère, il faut peut-être juste préciser ce que c'est l'histoire du point de vue des Grecs. Et nous avons notre définition aujourd'hui de l'histoire et déjà, elle n'est pas simple. Pour un Grec de l'Antiquité, qu'est-ce que l'histoire ? Alors, le plus simple est de partir de ce que nous dit Hérodote, puisqu'il est considéré, il a été tenu dès l'Antiquité, pour celui qu'on considérait comme le père de l'histoire. Bon, c'est une formule de Cicéron, mais Cicéron ne l'a pas inventé, il s'inscrit dans cette tradition. Donc Hérodote, père de l'histoire, ça veut dire que il va raconter quoi? Il va raconter l'histoire d'une guerre. Et nous retrouvons, justement, l'épopée, l'Iliade. Et pour les Grecs, ça sera vrai aussi pour Thucydide, ce sera vrai pour Polybe, avant tout, faire de l'histoire, écrire l'histoire, c'est écrire l'histoire d'une guerre, d'une grande guerre. Et si possible, même la plus grande. Et chacun, Thucydide dira, moi j'ai raconté l'histoire de la plus grande guerre, et en comparaison, parce que la seule référence, la comparaison, c'est la guerre de Troie. En disant, la guerre de Troie, au fond, c'était une petite expédition qui rassemblait peu de gens. n'y a rien à voir avec la grande guerre qui oppose les Athéniens et les Lacédémoniens. Bon, donc on voit bien à la fois la référence et puis la distance. Raconter une guerre. Raconter aussi, comme le dit Hérodote, ce qui est advenu du fait des hommes, des humains, hein, et pas des dieux. Donc, les dieux sont là, les dieux interviennent, les dieux sont présents dans le monde d'Hérodote, mais ils ne se prononcent pas. Alors que le poète Laède homérique se promène tranquillement chez les hommes et chez les dieux. Bon, seconde différence. Troisième différence, il raconte une guerre, ce que les hommes ont accompli de grand ou de remarquable ou d'admirable, et comment acquiert-il son savoir? Puisque il n'y a plus ce dispositif épique qui était la présence de la muse inspiratrice. Laède, il est inspiré et il chante ce que la muse lui inspire, est en train de lui souffler. Hérodote, il n'a plus ça. La muse a disparu, on est passé dans un autre monde, on n'est plus dans le monde de l'épopée, on n'est plus dans le monde de la poésie, on est dans le monde de la prose, et il faut faire le travail soi-même, c'est-à-dire aller voir et enquêter. Et c'est le sens, comme vous le savez, le sens premier de historein, qui a donné historia. Historein, c'est enquêter, aller y voir, se faire une idée, et en privilégiant, à part pas tant pour Hérodote, mais à partir du Thucydide, en privilégiant la vue. Ce qu'on appelle l'autopsie, c'est-à-dire le fait d'avoir vu soi-même de ses propres yeux. Oui, la question est souvent celle du document, celle de la source. Le problème, finalement, je crois, est de savoir si cette guerre a eu pour origine l'enlèvement d'Hélène, peut-être, ou d'autres causes. Madame de Romilly. Écoutez, peu importe l'origine, en réalité, il me semble. La guerre de Troie, mon Dieu, c'est la légende dont tout le monde a été nourri par Homère, mais non seulement par Homère, par des quantités d'auteurs qui ont suivi. Il faut que nous acceptions les données de la légende, que nous nous mettions dedans pour voir ce qu'elle représente. Et c'est tout de même ça la seule raison de s'intéresser à la guerre de Troie. Nous avons un élément, c'est la légende. Ça, nous l'avons, nous pouvons entrer dedans, nous pouvons en vivre, et c'est tout de même ce qui fait l'intérêt de l'affaire. Ça, c'est le point de vue très légitime du littéraire. Mais pourquoi voulez-vous interdire systématiquement aux stratèges, à l'économiste ou aux politiciens d'entrer là-dedans? Parce que je pense qu'il manque beaucoup de documents, que d'autre part, ils se fondent sur des parallélismes modernes qui sont souvent faux, et que je me méfie de leurs résultats, tandis que je ne me méfie pas d'Homère comme données littéraires et humaines. Voilà, au moins, c'est clair. C'est Jacqueline de Romilly, helléniste, hein, qui s'exprimait dans les dossiers de l'écran en 1968. Pierre Judet de Lacombe. Bon, formidable, hein, d'entendre Jacqueline de Romilly, parce que c'est extrêmement clair. La question même de savoir si Homère est historien, après avoir entendu François Hartog, ne se pose même pas en soi. Ben, moi, je crois que si, elle se pose. C'est-à-dire que Homère, enfin le groupe Homère, il parlait à des gens qui avaient entendu parler de la guerre de Troie, puisque c'est le mythe fondateur, dire de la, c'est la seule fois, même si c'est une fiction, mais où tous les Grecs, au-delà des centaines de cités-États qui constituent la Grèce, il y en a eu jusqu'à 1200 au moment, se sont rassemblés avec un pouvoir unique, qui ne marche pas bien, c'est Agamemnon, contre... donc un ensemble, trois. Alors ce qui est étonnant, c'est que Homère, visiblement, n'a jamais entendu parler de l'Empire hittite, alors que Troie est une ville hittite, donc on a des textes hittites d'ailleurs qui parlent des liens avec les Achéens, donc on ne sait pas bien les situer, mais donc il y a une réalité. Et si c'est du mythe, ou légende, comme dit Jacqueline Romy, si c'est du mythe, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui est un grand événement, une catastrophe au sens où le monde a changé. Et donc, ensuite, il y a une élaboration mythique, mais toujours à partir d'un référent. Sinon, bon. Alors, les archéologues, de leur côté, peuvent dater à peu près dans les couches de Troie, donc 3-7B ou 3-7, la ville qui a été détruite par un incendie, dont pourquoi pas les, bon. On sait qu'à Troie, depuis longtemps, il y avait des Mycéniens, il y avait des Grecs, etc. Tout ça, c'est très étroit, c'est un tout petit monde. Et maintenant, le comparatisme permet, c'est même pas du comparatisme, quand on voit les textes babyloniens, etc., alors là, il y en a des milliers, c'est pas comme pour la Grèce. Eh bien, donc, on voit comment le Moyen-Orient se représentait la Grèce, et dans l'autre sens aussi. C'est pour ça que c'est important d'avoir justement quand même ce regard d'historien et de sociologue même, c'est-à-dire de construire les sociétés grecques, alors qu'elles ne sont pas les mêmes dans l'Iliade, puisque là, c'est une cité hors sol, c'est une cité transportée. Il n'y a pas de femmes, à part les captives, il n'y a pas de production, parce qu'ils vivent que de radia. Il n'y a pas de temple, c'est intéressant, il y a des hôtels, par contre, pour faire, voilà, il y a une assemblée, il y a un conseil, et à la fin, ils sont tellement, comme ils sont assiégeants, ils assiègent Troie, et finalement, les Troyens gagnent, à cause de cette volonté de Zeus, qui veut punir les Grecs d'avoir humilié Achille. Ce sont les Troyens qui assiègent les Grecs, et ils construisent un mur. Bon, donc, on a une espèce de ville très bizarre. On dirait en termes modernes, avec un anachronisme à assumer, c'est une société, le camp grec, qui repose sur le contrat. Ils ont juré de défendre le mari d'Hélène, si jamais il y avait un problème, et qu'ils ont juré d'aller jusqu'au bout et récupérer Hélène. Et les Troyens, c'est une autre société, c'est la richesse, un bien implanté, c'est l'or, c'est les troupeaux, etc. C'est une autre cité, quoi. Et donc, on l'a. Et là, Homère. Comment ? Les chevaux aussi. Et il y a les chevaux, donc c'est vraiment, ils sont dompteurs de chevaux. Maître des chevaux, Hector, maître des chevaux, c'est le dernier vers. Donc, ils ont cette puissance-là que les Grecs ne connaissent pas bien. Je veux dire, donc, ils sont pas les mêmes systèmes de coalition, etc. Donc, Homère, c'est la légende, certes, mais le mythe veut dire qu'il s'est passé quelque chose et il faut développer l'intelligence pour comprendre. Donc, une interprétation moderne de la part d'Homère. Mais il comprend ce que c'est qu'une société. Dans l'Odyssée, il s'agit de quitter ce monde fabuleux pour revenir chez soi dans un petit monde répétitif, Ithaque. Et là, donc, vous avez d'autres sociologies, si on peut dire. Et donc, avec les poètes, je pense que moi c'est une génération ou deux après, vont analyser qu'est-ce qu'une société autrement, avec les cyclopes, avec le pays de Nausicaa, etc. Donc on a quand même un Homère qui s'intéresse aux fêtes sociales, très très fortement. Oui, il s'y intéresse, et d'ailleurs dans cette réflexion, nous mettons souvent l'Iliade, l'Odyssée, comme élément source presque de la réflexion sur cette histoire-là comme document. Mais Homère lui-même bénéficiait-il, alors Homère ou le groupe, hein, Homère bénéficiait-il de documents? C'est-à-dire que avons-nous d'autres récits antérieurs, bien sûr, à la composition de l'Iliade, Pierre-Judet de la Combe? Alors, on ne les a pas. On sait qu'ils existaient, et ça se voit même dans la manière dont l'Iliade est composée. L'Iliade, c'est un patchwork de traditions différentes. Parfois même, alors il y a des formules, etc., mais parfois ils changent de langage formulaire. Par exemple, quand Achille dit « je vais rentrer chez moi, j'en ai assez », il emploie des formules qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc c'est une autre tradition. Et si l'Iliade a eu ce succès, c'est que, comme dit Homéros, ça veut dire celui qui ajointe, celui qui rassemble. C'est que ces gens-là ont rassemblé des traditions qui existaient depuis très très longtemps. Ils en ont fait une synthèse problématique, parce que c'est les points de vue, même les dieux ne savent pas bien ce qu'ils veulent. Zeus a une volonté très définie, mais il pleure quand elle se réalise, quoi. Et donc l'Iliade, c'est un patchwork de traditions différentes. Et et sans doute que ça a été, c'est tellement bien fait que c'est cela que les gens ont retenu. Et donc il y a d'autres textes qu'on a perdus. Alors il y a donc des poètes avant, même Homère cite un dénommé Tamiris. Donc il y a eu alors parfois on en fait un fils de ce Tamiris. Il y avait des traditions évidemment, et qui racontaient beaucoup d'autres événements de la guerre de Troie. On les a pas, mais on les a dans des poèmes qui sont postérieurs à Homère, dont on a sous forme de fragments. Mais maintenant, ce qu'on appelle la néo-analyse voit que parfois Homère fait allusion à tout ça. Il connaissait tout ça. Et il le transpose, etc. Il s'amuse à reprendre tout ce monde épique. Et voilà. Comme document, non. Sauf qu'il y avait les ruines, les palais, etc. Quelques objets. Bon, le fameux casque avec des dents de sanglier qu'on a trouvé et qu'on voit sur des fresques égyptiennes ou bien des fresques de Mésopotamie. Donc, ils avaient des énigmes comme ça. Ils se disaient, mais c'est quoi ces trucs? Puis il y avait les noms. Donc tout ça, mais on peut pas dire. Et c'était des traditions orales, parce qu'Homère, c'est oral, même si à son époque il y avait déjà l'écriture alphabétique qui venait de Phénicie. Donc on remonte la date. Maintenant, c'est début 8e siècle que ça se diffuse en Grèce. Mais lui, il en a pas besoin. Il mentionne une fois des écritures, mais je veux dire, c'est pas son matériau. Oui, c'est pas son matériau. Homère historien. C'est Ulysse qui revient de la guerre de Troie, qui se gourde toboggan chez Aqua Boulevard et qui atterrit dans les bains bouillonnants de Calypso, la nympho. France Culture. 1. Circé, la sorcière, a transformé tout son crew en petit porcinet triste. 2. Il a bolossé Polyphème, le cyclope géant, en se faisant passer pour personne. Le cours de l'histoire. Et 3. Ulysse s'est fait un délire bondage au mât de son frère d'esquif pour tester les veilles maléfiques de Nolwenn le roi en Dolby Surround. Et un petit peu pour voir ses boobs aussi. Xavier Mauduit. Jean Rochefort, les bolosses des belles lettres, l'Iliade et l'Odyssée, en l'occurrence. François Hartog, au moment de réfléchir à Homère historien, ce que nous racontent l'Iliade et l'Odyssée, faire de l'histoire, c'est travailler sur le temps. Mais le temps du temps d'Homère n'est pas le même temps que chez nous. Comment pouvait être conçu l'enchaînement? Alors nous parlons aujourd'hui de siècles, parfois il y a le mot époque, etc. Comment était conçu le temps? La question est difficile, mais évidemment, il est difficile d'aller se mettre dans la tête d'Homère. Mais on peut peut-être dire ceci, le temps homérique est un temps qui met en valeur, qui privilégie justement le passé. Bon. Il y a cette valorisation du passé, ce temps des héros, qui n'est plus. Donc il y a bien on se réfère à ce temps lointain et qui est exemplaire. Donc on a un rapport du type de celui que j'appelle l'ancien régime d'historicité, où c'est le passé qui occupe la place première et qui est ressource. Qui fournit des exemples de conduite, des exemples à imiter. Je pense que le temps homérique s'inscrit dans cette grande catégorie. Il y a ce qu'évoquait à l'instant Pierre Judet de la Combe, à savoir les crises. Bon, puisqu'il n'y a jamais de temps sans crise. Les crises, contemporaines, pas vraiment contemporaines, un peu avant. Comment appréhender ces crises? Justement, en allant regarder du côté du passé, pour essayer de voir si on peut s'en servir pour faire affronter ces crises, et puis peut-être aussi s'apercevoir que ça ne colle pas, qu'il y a un écart qu'on ne peut pas combler. Et à ce moment-là, l'épopée devient peut-être ce qui est dit, par exemple, dans l'Odyssée, c'est-à-dire on raconte ces hauts faits des héros pour le plaisir de l'oreille. Ils sont morts, oui, ils sont morts, c'est triste, mais au fond, ils sont morts pour que nous puissions jouir du récit que nous fait Laède. C'est l'attitude des Phéaciens quand Laède d'Hémodocos chante. François Hartog, vous êtes directeur d'études émérites à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de Chronos, l'Occident aux prises avec le temps et de la confrontation avec l'histoire. Nous sommes vraiment au cœur de toutes ces réflexions parce que, mais nous le savons bien, nous le vivons au quotidien. L'histoire nous sert à comprendre le présent. Ça nous rassure aussi. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Vous avez raison de le préciser. Peut-on dire que dans la démarche d'Homère, du groupe Homère, ou en tout cas de ceux qui reçoivent ces récits, il y a cette volonté d'être rassuré, de savoir un passé, quel qu'il soit, une histoire qui leur permet de comprendre qui ils sont, où ils sont à ce moment-là. Oui, je pense. Ce que j'ai indiqué d'un mot tout à l'heure, quand Hérodote commence et qu'il essaye de rendre compte de quoi ? Il essaye de rendre compte de la situation qu'a vécue la Grèce tout juste quelques années avant qu'ils ne commettent au travail, c'est-à-dire les guerres médiques, les guerres entre les Grecs et les Perses. Bon. Et pour essayer d'en rendre compte, il va chercher, il remonte dans le temps, et il va chercher en particulier l'affaire Hélène et de Paris. Paris venant rapter Hélène, l'emmenant à Troie, et du coup les Grecs se mettant en ordre de bataille pour aller la récupérer. Bon, c'est un moyen de rendre compte de ce qui leur advient à eux. Alors on peut dire, mais ça c'est de la causalité bidon, mais peu importe, c'est bien une façon d'expliquer, et donc en ce sens de se rassurer. Et quand Thucydide, que j'évoquais aussi il y a quelques minutes, quand Thucydide fait la comparaison entre la guerre dans laquelle il est lui-même plongé, parce que lui, il dit qu'il a commencé à écrire le jour où la guerre a débuté entre les Lacédémoniens et les Athéniens, eh bien, il va se référer à la guerre de Troie pour valoriser ce qu'il fait, mais aussi pour dramatiser, en disant, il n'y a jamais eu de crise aussi grave que celle dans laquelle nous nous trouvons. Donc il trouve un parallèle, et il trouve un exemple à convoquer, et il trouve un moyen de renforcer l'interrogation sur le présent. Pierre Judet de la Combe. Oui, c'est ça qui est... Oui, c'est rassuré. En même temps, comme l'épopée, bon, c'est du mythe, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, mais ça veut dire que c'est un temps fermé. Donc, qu'on a entendu, ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus. C'est-à-dire que l'Iliade, c'est un chaos énorme d'événements, de tueries, de massacres dans un sens, dans l'autre. Enfin, ça paraît complètement irrationnel. Les dieux ne comprennent pas, etc. Les héros ne comprennent pas, se trompent. Bon. Mais tout ça est clos. Parce que Troie, Achille doit tuer Hector. C'est la chute de Troie. Et ensuite, Achille doit mourir. Ce qui n'est pas raconté dans l'Iliade, mais c'est annoncé. Donc, c'est un temps clos. Or, les gens y vivaient dans un temps ouvert. C'est-à-dire que le temps clos, c'est le temps que pose l'épopée. C'est pas le temps vécu où il s'agit de pas se tromper, de pas devenir esclave, de pas se faire tuer. Il s'agit de bien tuer, de bien blesser les autres, bien savoir mourir éventuellement. On sait pas ce qui va arriver. Et donc, l'épopée, c'est comme un modèle clos, un modèle théorique, si on peut dire, où le temps est comme complet. Et la tragédie va faire la même chose. C'est comme une idée, si on peut dire, qui est opposée à ce qu'on vit tous les jours dans l'incertitude. Et donc, se référer à ces grands récits du passé, c'est un moyen expérimental, si on veut, de dire mais c'est quoi la condition humaine si je la prends comme un objet bien fini, bien voilà. Et donc ce sont des destins, c'est ça qui compte. Alors que les gens savent très bien, aucun Grec se disait je vais vivre ce que Achille a vécu, parce que d'abord c'est fils d'une déesse, etc. Et Zeus, ça aurait pu être quasiment le fils de Zeus en fait. Et donc ça, ils savent que c'est pas nous, mais on a une idée de ce qu'est un temps, une action close, achevée. Alors que les Grecs étaient toujours dans cette inquiétude de se dire « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Parce que la vie, comme dit le poète Archiloque, un peu après, c'est un rythme, tantôt c'est bon, tantôt c'est mauvais. Quoi. Donc il n'y a pas de forme à ça. François Hartog. Oui, tu as tout à fait raison. Sauf que l'Iliade s'achève sur une incertitude, puisque c'est l'enterrement de Patrocle, et le destin suspendu d'Achille. Les auditeurs savent qu'Achille va mourir, mais on ne voit pas Achille mourir. Donc le temps est en effet... Enfin, l'épopée est fermée, mais il y a un après. Oui, alors c'est ça, même certains ont pu dire que c'est la preuve qu'il y avait un auteur, c'est que ça aurait été trop triste de voir Achille mourir. En fait, Achille meurt à travers son grand ami Patrocle. Et après, donc, c'est Hector. C'est vrai, on sait que Achille va mourir juste après, donc il n'y aura pas les Amazones, tout ça. Mais je veux dire, effectivement, c'est-à-dire que l'Iliade se dit, parce qu'il faut quand même, il n'y a pas de propos moral dans l'Iliade. C'est un poème totalement antidogmatique, contrairement à Hésiode, qui veut donner une leçon sur l'histoire. Quoi. Là, non, mais c'est-à-dire qu'il y a ce moment de suspens. On sait que ça va arriver, que la catastrophe Priam va être tuée, etc. Tout ça, on le sait. Il le dit lui-même, d'une certaine manière. Mais on veut finir sur un moment de réconciliation, dans un rite funèbre, enfin, deux rites, celui pour Patrocle et celui pour Hector. Et donc, ça veut dire que c'est un adieu. L'Iliade dit « je dis adieu à tout ça, parce que c'est pas notre monde ». Et après, on sait bien que Troie va tomber, etc., etc. Mais je veux dire, c'est même pas l'objet. L'objet, c'est la colère d'Achille, et comment Achille, à la fin, à cause de la mort de son ami, va s'apaiser. Donc il y a quelque chose, il y a une espèce d'ouverture. Ça, c'est ahistorique. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas le temps des héros qui va se finir. C'est pas ça l'intérêt d'Homère. C'est de se dire qu'est-ce que c'est que passer par cette crise de violence inouïe, et assez insupportable, parce que c'est quand même une brute, Achille, pour arriver à cette espèce d'état de suspens dans une scène tout à fait utopique, donc où il restitue à Priam le corps de son fils. Et c'est peut-être cet état de suspens qui explique pourquoi Homère, l'Iliade, l'Odyssée ont ce destin à travers les siècles. Ce n'est pas juste une histoire à raconter, une histoire que l'on trouve encore chez Nietzsche. Que représentait alors Homère ? Il semble bien que cette époque se sentait incapable de cerner, de manière scientifique, une personnalité et les limites de ses productions. Homère était pratiquement réduit à une coquille vide. C'est là que nous devons nous poser la question importante. Qu'y a-t-il avant cette période ? La personnalité d'Homère est-elle devenue peu à peu une nébuleuse vide ? Parce qu'on n'était pas capable de la saisir, ou la naïveté populaire a-t-elle alors incarné toute la poésie de l'époque en Homère, pour se la représenter sous ses traits? A-t-on fait ainsi d'une personne un concept, ou d'un concept une personne? Telle est la véritable question homérique, dont le centre est le problème de la personnalité. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, Daniel Königsberg et Nietzsche pour une lecture en direct d'une conférence prononcée à l'université de Bâle. Ce petit extrait, Homère et la philosophie, la philologie classique, c'est une conférence de 1869. Très intéressant cet écho toujours à la personnalité. Nous en revenons à la personnalité, Pierre Judet de la Combe. C'est vrai que l'Iliade, l'Odyssée sont des récits incarnés. Il y a des personnages divins parfois et puis l'auteur lui-même est incarné. En fait, c'est une histoire extrêmement humaine. C'est ça aussi qui nous plaît dans ces récits. Oui, alors c'est un texte magnifique de Nietzsche qui était professeur de philologie. Il est resté 10 ans. Il était un très très bon philologue d'ailleurs. Et on publie maintenant ses textes philologiques qui sont à lire, je trouve. Il a convaincu personne, malheureusement, donc dans la coterie des philologues qui, eux, cherchaient des petits Homères. Donc c'est l'analyse, on découpait Homère en segments pour dire ça, c'est un tel Homère A, Homère B, Homère C, etc. Lui dit non, c'est pas ça, c'est le problème de la personnalité en soi. Alors ça fait complètement anachronique, parce que pour un ancien, la question ne posait pas. La question, c'était la valeur de l'œuvre, la valeur du poème. Est-ce que ce poème peut faire autorité contre tel autre? Donc on a oublié les autres histoires, poèmes sur la guerre de Troie, même ils les avaient oubliés assez vite, quoi. Donc la personnalité, ça veut dire que, et là où Nietzsche, c'est passionnant, comment? Parce que lui, ce qui l'intéresse, comme vous savez, c'est la volonté qui s'exprime. Donc un texte, c'est pas du sens, un texte, c'est un acte, c'est quelque chose qui est posé. Alors il a montré que ce texte s'est constitué en plusieurs fois, mais c'est-à-dire quel est le point de vue? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Iliade? Bon, et là, Max Weber dirait, quel est l'intérêt de la connaissance? Quel est l'intérêt qui fait qu'il y a eu ce poème, et surtout que ce poème a été reçu, a eu un succès gigantesque, et ça, visiblement, très très vite. Eh bien, c'est donc, alors lui appelle ça personnalité, mais c'est une personnalité un peu abstraite, c'est pas la biographie. Il y a eu des biographies antiques d'Homère, Dieu sait, qui sont passionnantes, mais je veux dire, c'est pas relevant, comme on dit, c'est pas pertinent du point de vue moderne de ce que serait une biographie, évidemment, parce qu'il n'avait pas de, ce sont que des sources, ce sont des légendes, de certaine manière. Mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est quel point de vue sur cette histoire de la guerre de Troie, point de vue singulier, l'Iliade développe. Voilà, c'est ce qui intéresse Nietzsche, et là, je trouve qu'il n'a pas tort du tout, ça, c'est pas suranné. C'est, voilà, quelle est la singularité de l'Iliade? Et c'est ça que, en historien, s'y permet d'expliquer le succès de l'Iliade, qui a été un succès gigantesque. Et donc, l'Iliade, c'est pas simplement fonctionnel, parce qu'il y avait des attentes du public, etc., parce qu'il y avait un culte à rendre. Certes, il y a tout ça, mais c'est un point de vue, et alors, ça se redouble dans la composition de l'Iliade, puis ensuite l'Odyssée, c'est de, au lieu de raconter toute la guerre de Troie, encore une fois, c'est Achille, de même qu'au lieu de raconter tous les retours des Grecs, qui étaient des retours depuis Troie, qui ont été des retours désastreux, on prend Ulysse, comme individu, et Ulysse comme individu totalement démuni à la fin. C'est un errant. Bon. Et donc, pour moi, personnalité veut dire ça, c'est-à-dire quel est le point de vue sur tout ce matériau hérité que développe l'Iliade. Et là, effectivement, on peut parler de personnalité, mais c'est pas une personne qui existerait préalablement. C'est le poème qui est singulier. François Hartog, dans vos confrontations avec l'histoire qui paraît chez Gallimard, justement, l'individu historien est au cœur de la réflexion. L'individu, alors nous sentons bien qu'avec Homer ou le groupe Homer, ben, l'individu est une notion complexe, mais malgré tout, Homer, à travers les siècles, est devenu un individu. Oui, il est devenu, mais dans la suite de ce que vient de dire Pierre-Julien de la Combe, à propos de la personnalité d'Homère, il est frappant que dans le poème lui-même, Homère n'est pas présent. Il ne parle pas en son nom propre. Il ne dit pas « je ». Il dit « c'est la dis-moi muse ». Et puis voilà. Et ensuite, c'est la muse qui parle. À la différence d'Hésiode, qui lui, d'emblée, utilise la première personne. Et les historiens, Hérodote, Thucydide, enfin Hérodote surtout, Thucydide aussi, Polybe ensuite, les historiens sont justement des gens qui parlent à la première personne. Puisque il faut mener cette enquête, et c'est en menant cette enquête que le jeu de l'historien acquiert son autorité. Parce qu'elle ne lui est conférée par aucune puissance, ni divine, ni non plus humaine. Il n'y a pas d'institution historique en Grèce, ni à Rome. Vous ne passez pas une agrégation, vous n'avez pas des collèges d'historiens, donc vous dites « je ». Et puis, ensuite, les historiens se battent entre eux pour se faire reconnaître, et ils s'accusent mutuellement de mensonges, évidemment. Pierre-Judet de la Combe, justement, sur cette personnalité d'Homère. Alors, c'est vrai que c'est passionnant de parler autant d'une personne que nous ne connaissons pas, parce que lui-même ne parle pas de lui. D'ailleurs, vous en avez écrit la biographie, Homère. Et c'est formidable. Non, mais parce que en plus, c'est vif et pétillant comme écriture. Mais c'est intéressant de voir, en fait, la construction historique d'un personnage. C'est-à-dire que Homère, c'est un événement. C'est l'événement de l'Iliade, puis de l'Odyssée. C'est quoi ? C'est-à-dire, c'est non seulement le fait qu'il existe un texte, mais c'est la diffusion immense de ce texte, puisqu'il était lié dès l'origine à des grands festivals, etc. Bon. Et donc, c'est le phénomène culturel, si on peut dire, de ce texte, enfin, ou de ces textes, parce qu'après, on pouvait débattre de qu'est-ce qui est d'Homère ou pas, parce qu'il aurait même écrit un poème obscène, qu'on a que quelques maigres fragments, malheureusement. Je veux dire, donc c'est quelque chose a eu lieu. C'est ça qui est Homère, ça veut dire ça. C'est pour ça que très vite il a eu un mythe. Alors donc on a raconté ses histoires. Il est né plusieurs fois de manière très différente. Il est mort qu'une fois. Donc ça quand même ça c'est bien dans la même île à Ios. Sinon dans toutes ses errances tout ça, c'est un loser en plus qui fait des merveilles. Donc il est toujours c'est une différence Homère. Il est toujours insaisissable parce que le poème était diffusé partout. Et donc, il fallait bien accrocher ça à un fait historique, enfin, à quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on voit les Hésiode qui, on peut dire, c'est un geste quasi philosophique, qui dit, les muses m'ont initié, tandis que sont venues chez moi, alors j'étais un petit berger, pour m'initier. Homère, jamais. Alors, il peut dire parfois je quand il appelle la muse, mais jamais il va dire qui il est. Jamais il raconte son histoire, ses amis, etc. Donc, il est pas l'historien, même si dans le mythe d'Homère, on disait qu'il ne peut pas avoir été aveugle, il parle tellement bien des choses, c'est qu'il les a vues lui-même. Oui, il n'était pas tout de suite, mais bon, etc. Donc, on l'a transformé en historien. Il n'est pas. Lui, il prend le oui-dire. Et il dit d'ailleurs, nous les hommes, nous connaissons que le kleos, qui est un mot double, qui veut dire la gloire, c'est-à-dire toute la tradition des poèmes, c'est aussi la rumeur. Ça, il dit, toi muse, maintenant dis-moi. Alors, c'est quoi la muse? Alors, c'est vrai que c'était une vraie, c'est un côté magique, chamanique, ça, faut pas non plus, c'est la muse, c'était une réalité pour eux, c'est pas une fiction. Et simplement, il fallait que la muse, c'est l'intelligence qui fait que tout ce matériau traditionnel peut être recomposé, réorienté d'une certaine manière. Et donc, alors, quand il fait, par exemple, le catalogue de tous les vaisseaux qui sont venus à Troie, là, il dit, là, je peux, là, allez, aide-moi, là, je peux pas, quoi. C'est bon, trop. Alors là, c'est étonnant, c'est un texte qui était celui que les anciens aimaient le plus, d'ailleurs, alors que pour nous, c'est un peu barbant, quand même. C'est un texte vraiment historique. Et donc c'est un témoignage là sur un état de la société grecque. Et après, bon, c'est raconte-nous la colère d'Achille, etc. Mais donc c'est voilà, c'est ça. C'est passionnant hein, d'imaginer un Homère qui ne se met pas en scène dans son propre écrit dont on ne connaît pas grand-chose, alors que son contemporain, parce qu'Hésiode est contemporain, une démarche inverse, et il dit le jeu. Et vous l'avez bien dit, Pierre-Judet de Lacombe, il y a un mythe Homère avec cette narration histoire. Discussion, mythe, pourquoi pas, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un mythe ? Alors un mythe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, des êtres et du monde, du présent et de l'avenir, et qui cherche en même temps à traiter des problèmes qui nous apparaîtraient aujourd'hui à la lumière de notre pensée scientifique, comme tout à fait hétérogène, différent les uns par rapport aux autres, à les traiter comme si c'était un seul problème et qui admettait une seule réponse. Un mythe, c'est par exemple une histoire qui essayera d'expliquer à la fois pourquoi il se trouve que le soleil est à bonne distance de la Terre, alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin et ce serait la nuit éternelle, ou beaucoup plus près et le monde entrerait en conflagration. Et pourquoi un homme doit aller chercher son épouse à bonne distance, pas trop loin, parce qu'alors ça pourrait être une étrangère et une ennemie et une sorcière, pas trop près, parce qu'il se rendrait coupable du péché d'inceste. Passionnant, Claude Lévi-Strauss, qui s'exprimait dans l'émission Apostrophe en 1984. Ah, le mythe, l'histoire. François Hartog, justement, dans cette réflexion sur l'historicité, sur l'histoire racontée dans ces grandes sagas, dans ces grandes épopées, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de mythe. C'est le cas avec l'Iliade et l'Odyssée, obligatoirement. Ben oui, mais encore une fois, le mythe est dans ce mot absolument extensible. En fait, c'est un récit. Bon, Homère ajointe un certain nombre de récits qui sont eux-mêmes composés d'éléments extrêmement divers et qui renvoient à des histoires qui sont connues, bien connues, pas connues de tout le monde, connues de certains. Et c'est cet ensemble qui fait finalement le mythos, ce récit de la guerre de Troie, ce récit du retour d'Ulysse. Et je crois qu'il faut ne pas figer comme ça une opposition entre récit et histoire, par exemple, entre mythos et histoire. Non, on a des récits, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout mélanger, mais on a des récits qui répondent à des contraintes qui sont différentes et qui répondent à des questions qui sont pas les mêmes et qui s'adressent à des publics qui sont pas forcément les mêmes. Ah, ça, c'est essentiel ce que vous soulignez là, François Hartog, parce que le récit lui-même ne vit que par sa réception selon les différents temps. C'est ce que vous étudiez sans cesse sur ces régimes d'historicité, sur le temps, parce que tout est temps, en fait. Et l'Iliade, l'Odyssée n'a pas le même intérêt, n'a pas la même portée dans l'Antiquité au 8e siècle, quand on l'entend un peu plus tard au 6e siècle, quand le texte est rédigé, et puis de nos jours. Non, bien sûr que non. Et on peut, enfin, je repense à ça, cette remarque d'Anna Arendt à propos justement du récit de la prise de Troie, de l'épisode du cheval de bois, qu'Ulysse demande à Démodocos, le barde des Phéaciens, hein, où, alors Démodocos évidemment, parce qu'il est compétent, inspiré, se lance dans le récit, que nous n'avons pas d'ailleurs, et c'est simplement cette évocation, mais je trouve qu'Anna Arendt remarquait avec justesse qu'au fond, ce récit, c'était la première histoire de la guerre de Troie. Puisque dans l'Iliade, nous ne savons pas, et dans l'Odyssée, nous sommes après. Hein, et que ce moment était la première histoire de la guerre de Troie, et en un sens, la première histoire. Voilà. Et donc on a à l'intérieur même du texte de l'Odyssée cette mise en perspective ou cette mise en abîme de l'événement. Je vous propose une autre mise en abîme, c'est Homère qui parle d'Homère. L'Odyssée d'Homère, ça se passe à la fin de la guerre de Troie. Qu'est-ce qui te fait rire, papa? Je ris parce que je m'imagine que j'y suis. Je trouve ça poilant. Bon, enfin, à la nuit tombée, les Grecs sortent du cheval en bois où ils se sont cachés. Pas de parquet. À présent, je peux rentrer à Ithaque et retrouver ma douce épouse Pénélope. N'oublie pas de remercier les dieux de nous avoir donné la victoire en leur sacrifiant un animal. Ça va pas la tête. Sacrifier un animal est une pratique barbare. Et maintenant que les esclaves achèvent les blessés. Homer Simpson, qui parle d'Homer. Pierre Judet de la Combe, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Justement, dans votre travail, il y a cette traduction. Il y a l'ouvrage de réflexion, il y a le Zeus transformateur. Pourquoi les dieux changent-ils souvent d'apparence? Petite confidence chez Bayard. Mais il y a l'Iliade, parce que c'est vrai qu'on demande toujours, mais quel Iliade, quelle Odyssée, dire, ben voilà, aux belles lettres, il y a ce qu'il faut, il y a votre traduction. Ça veut dire quoi traduire aujourd'hui l'Iliade? Ouh là là. En fait, c'était pas l'idée de départ. Moi, je voulais, c'est comprendre l'Iliade. Ça paraît idiot, dit comme ça, mais d'abord, c'est quand même le texte le plus grand qu'on ait pour la Grèce ancienne. Et donc, j'ai fait ça en fin de carrière. Avant, il y avait les tragédies, tout ça. C'est plus facile, si j'ose dire, mais c'est plus court. Et en fait, pour traduire, pour comprendre, faut traduire. Parce que si on traduit, on est obligé de relier tous les éléments entre eux, donc on peut pas se concentrer sur ce que les philologues depuis l'Antiquité ont vu comme problème. Donc il faut se défaire de tout, faut être, se dénuder, si on peut dire, et dire, voilà, je comprends rien. Le premier vers de l'Iliade, j'y comprends rien, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Le deuxième, le troisième, bon, il y en a 16 000 comme ça. Et après, c'est aussi de se dire, on met en français, et bon, comme j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec le théâtre, pour la tragédie, je me dis, quand même, j'ai appris avec les acteurs à voir ce que c'est qu'un texte oral. Bon, et donc, il y a une tentative de dire, vous savez, on peut faire de la poésie narrative en français maintenant. Donc là, je suis plus vraiment philologue, mais il s'agit de proposer du français, quoi. Et ce qui m'a aidé beaucoup sont les traductions italiennes ou américaines d'ailleurs. Et donc voilà, de proposer quelque chose qui peut-être soit pas exactement ce qu'on entend, parce qu'il faut dire que Homère parlait une langue que personne ne parlait en Grèce. C'est-à-dire qu'aucun Grec n'a jamais parlé comme dans l'Iliade ou l'Odyssée. C'est une langue artificielle, composite de plusieurs dialectes, avec des siècles de tradition derrière. Et donc, on peut pas faire ça en français, parce qu'on l'a plus. Et donc, il fallait faire quelque chose, quoi. Et donc, ça m'a amusé d'essayer d'être un tout petit peu inventif. Ça l'a amusé, c'est une façon très... ça n'a pas amusé tout le monde autour de moi, ça y a des témoins. Très humble d'en parler, parce que c'est un travail considérable et admirable. Et je suis tout à fait d'accord. C'est formidable de réfléchir à une traduction d'un texte majeur, et puis de l'offrir, parce que dans toute cette discussion que nous avons autour de l'Iliade et de l'Odyssée, il y a la notion de plaisir qui peut nous aider à finir cette émission. C'est un plaisir de lecture aussi, François Hartog, plaisir de lecture, d'une vieille lecture et d'une redécouverte sans cesse. Oui, bien sûr. Et cette idée du plaisir que j'évoquais tout à l'heure quand les Phéaciens écoutent le barde et qu'ils jouissent de l'écouter, eh bien oui, ce plaisir il est là depuis le début et je pense qu'il ne faut surtout pas le faire disparaître. Et Pierre Judet Lacombe a permis de le réactiver. Eh bien, en tout cas, le plaisir de la compréhension, puis le plaisir de nous donner envie de lire ou relire. C'est toujours plus classe de dire « je relis Homère ». Ça fait tous les livres Proust, je relis Proust, c'est toujours mieux. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans le cours de l'histoire. Et je rappelle, alors, Pierre Judet de Lacombe, il y a ce Zeus transformateur. Et puis, donc, l'Iliade a retrouvé aux belles lettres. C'est dans le tout Homère. Donc, comme ça, on a tout Homère. Et vous, François Hartog, confrontation avec l'histoire. Plaisir de recroiser tous ces personnages, ces historiens, ce sont ceux que nous aimons entendre dans le cours de l'histoire, et notamment Gérard Noiriel, qui est là pour le cours Pourquoi du comment. Comment faire l'histoire des gens sans histoire? Depuis un siècle et demi, la recherche historique s'est tellement développée que les historiens ont été obligés de se spécialiser. Étant donné que l'histoire est née en tant que discipline universitaire au moment où les États-nations ont pris leur envol, les historiens ont commencé par privilégier l'étude de leur propre nation. Très vite, une autre division du travail s'est imposée, fondée sur les découpages chronologiques qui ont permis de distinguer des périodes, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le Moyen-Âge et les temps modernes. À la fin du XIXe siècle, de nouvelles spécialisations sont apparues en fonction des objets de recherche. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui encore d'histoire économique, d'histoire sociale ou d'histoire culturelle. La socio-histoire repose sur un autre type de spécialisation, non pas centrée sur l'objet d'étude, mais sur la conjugaison des compétences du sociologue et de l'historien, un peu comme la biochimie qui associe des biologistes et des chimistes. Sans entrer dans les détails, disons que le socio-historien s'appuie sur la sociologie car c'est une discipline qui étudie les relations que tous les êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, tissent entre eux au cours de leurs activités. Mais le socio-historien s'appuie aussi sur l'histoire pour tenir compte d'une dimension de la réalité souvent ignorée ou sous-estimée par les sociologues, à savoir que le passé pèse toujours fortement sur le présent. D'où l'importance que les socio-historiens accordent à la genèse des problèmes actuels. Dans mes chroniques sur les migrants, sur le secret bancaire, sur les fausses nouvelles, j'ai montré que ces questions d'actualité ne pouvaient pas être vraiment comprises si on ne les éclairait pas par l'histoire. La socio-histoire est donc une sorte de boîte à outils très utile quand on veut faire l'histoire de ceux qui sont généralement oubliés par la grande histoire, car le socio-historien se demande toujours quels sont les individus réels qui se cachent derrière les personnages collectifs qui peuplent notre langage courant. Pour essayer de me faire comprendre, je prendrai l'exemple de l'ouvrage publié récemment par un polémiste que tout le monde connaît, ouvrage qui s'intitule « La France n'a pas dit son dernier mot ». Ce genre de titre pose problème, car il présente la France comme s'il s'agissait d'une personne. La France s'éveille, la France souffre, la France lutte. C'est le langage typique des manuels scolaires à l'aide desquels la Troisième République a fabriqué ce qu'on appelle le roman national. Mais l'histoire n'a pu devenir une science qu'en s'émancipant du roman, pour retrouver les individus réels en chair et en os, disait Marc Bloch, qui sont englobés dans des mots comme « la France ». En partant des individus réels, le socio-historien étudie les liens qu'ils tissent entre eux pour former, au-delà de tout ce qui les différencie et qui les oppose, cette communauté qu'on appelle la nation française. Ce type de démarche pousse le socio-historien à poser des questions que détestent les polémistes. Par exemple, « De quel droit parlez-vous au nom de la France ?» ou encore « Que faites-vous concrètement pour que les millions de Français qu'on n'entend jamais puissent avoir vraiment un jour le dernier mot ?» Merci beaucoup, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Heilig avec aujourd'hui à la technique Jacques Azubert. Une émission préparée par Marion Dupointe, Océane Vudel, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.